Je le sais, je le sens en mon âme, mon sang, que le fil de ma joie c'est toi. Tes baisers sont un charme, ton départ une larme, et d'un sourire tu désarmes. Ton absence est une errance que je vis en souffrance. Je veux, je veux, je veux, oh yeah, yeah. Je veux, les poèmes te dessinent une plume si assassine. Comment décrire ce que je sens? Je t'ouvre ainsi mon cœur. Ne vois-tu pas ma douleur? Lis dans mes yeux et puis ressens. Mais il n'y a que toi, même avec je te vois. De mon amour, tu es la voix. Inutile à mes paroles si futiles, je te laisse juste mon émoi. Je veux, je te veux, je veux. Je ne rêve.